إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui en fait c'est la troisième réunion si on veut, ou la troisième partie de la lecture de cette petite risala qui s'appelle Al-Fi'atu Dalla wa Manhajuha du Cheikh Saleh Al-Fawzan. On avait commencé la risala ça fait peut-être une semaine environ. On a lu la première partie, la deuxième partie dans la mosquée là-bas sur Épinay sur Seine. Et puis donc les frères m'ont demandé si c'était possible de la terminer aujourd'hui. Et donc j'ai cru que c'était quand même une bonne idée. Donc alhamdulillah, on va donc terminer cette petite risala bi'iznillah. Et le point qu'on va commencer à expliquer maintenant, c'est ma'alu man asallah wa rasuluhu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive à la personne qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Et à la base, cette risala, c'est une réfutation du Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet du manhaj des Khawarij. Donc ça vous met un petit peu dans le contexte du sujet de la risala, d'accord? Donc le Cheikh, il dit « Amma ma'asiyatu Allah wa ma'asiyatu Rasuli wa ma'asiyatu wulati al-umur wulati al-umur al-muslimin » فإنها شر مآلا وشر عاقبة والعياذ بالله وهذا مجرب على مدار التاريخ كما أخبر بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مجرب وواقع على مدار التاريخ فما من فرقة ضلت وانحرفت وصالت وجالت إلا آل أمرها إلى البوار والخصار وما من فرقة اعتصمت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا آل أمرها إلى خير وإلى هداية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولما سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ظهور الفتن ماذا يعمل إذا ظهرت الفتن وظهرت الاختلافات والتناحر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. Donc le cheikh il commence et il dit qu'en ce qui concerne la désobéissance d'Allah et la désobéissance de son messager et la désobéissance des gens qui sont au pouvoir parmi les musulmans, donc il dit que ça c'est une chose qui est mauvaise, qui aura des conséquences mauvaises et que Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Il dit, et ça c'est quelque chose qui a été, c'est-à-dire on l'a constaté et ça a été expérimenté à travers l'histoire, hein. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué dans son livre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. Les conséquences du fait de désobéir à Allah et de désobéir aux messagers et de désobéir aux dirigeants des musulmans dans le bien, eh ben ça, c'est certain que ça a des mauvaises conséquences. Et le cheikh, il dit que c'est quelque chose de réel et qu'on a pu constater même, et ça a été, on peut en témoigner à travers l'histoire, parce qu'il n'y a pas une secte ou un groupe qui est dévié, qui s'est dévié, qui s'est égaré, qui est sorti du droit chemin, excepté que sa destination ou bien sa conclusion a été qu'elle a complètement dévié puis qu'elle a perdu. Hein, ça a été la destination de ce groupe-là ou de cette firpa, c'est qu'elle a eu comme conclusion la perdition. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il n'y a pas aucun groupe qui s'est accroché au Coran et à la Sunna, excepté qu'ils ont eu comme conséquence du fait qu'ils se sont accrochés au Coran et à la Sunna, et qu'ils ont eu du bien à cause de ça, et qu'ils ont eu de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith qui est rapporté selon l'imam Malik et al-Hakim dans le Mustadrak. Le cheikh il explique ici qu'aussi il y a des parties de ça dans Sahih Muslim, qui dit que j'ai laissé parmi vous quelque chose que si vous vous y accrochez, vous n'allez jamais vous égarer. Et il a dit que c'est le Coran, c'est-à-dire le Kitab Allah, le livre d'Allah et la Sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça c'est la première chose, c'est les deux choses qui peuvent nous protéger de l'égarement. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager. Après, le cheikh il mentionne qu'on a demandé à Hudhayfa ibn al-Yaman, au sujet des, lorsque les fitan, toutes les tentations, les problèmes, les désordres, hein, toutes les choses qui vont se produire, à travers l'histoire, puis à travers parmi la Ummah, lorsque ces fitan vont apparaître et ces divisions, et ces problèmes entre les musulmans, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire lorsque ces choses-là allaient apparaître? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hudhayfa ibn al-Yaman de rester avec la jama'a des musulmans et leur imam. De rester avec la jama'a des musulmans et leur imam. Et Hudhayfa a demandé, il a dit, et s'ils n'ont pas de jama'a, et s'ils n'ont pas d'imam, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, abandonne tous ces groupes, toutes ces sectes, et accroche-toi à la base ou au tronc d'un arbre, jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Et donc le cheikh il dit, هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفتن والاختلافات أننا نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين حتى نسلم من شرور الفتن من الشرور والفتن ودعاة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر وقال صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي لأنه ليس النظر إلى شخصه وإنما النظر إلى منصبه ومنصبه خلافة وإمامة للمسلمين فتجب طاعته ولو كان منظره لا يعجب الأنظار فالعبرة ليست بالمظاهر العبرة بالحقائق. Le cheikh il dit que ça c'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné lorsque les problèmes apparaissent parmi les musulmans et les divisions et les désaccords apparaissent, qu'on doit s'accrocher à la jama'a des musulmans et à leurs dirigeants, à leurs imams, pour être protégé des mauvaises conséquences, des choses négatives qui vont arriver à partir de ça, à ce moment-là, et des fitans, et des gens qui appellent à l'égarement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aussi d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même si c'était un esclave éthiopien. Hein, il a donné ça comme exemple. Donc, ça veut dire que tu regardes pas à la personne qui est au pouvoir en tant que personne, mais tu regardes à son statut ou à ce qu'il représente. C'est-à-dire qu'il représente, il a la position du khalifa. Et parce qu'il a cette position-là, ou parce qu'il a la position du dirigeant, tu l'obéis. Même si, dans certaines versions du hadith, même s'il n'a pas de bras, même s'il n'a pas de jambes, même s'il n'a pas de diplôme universitaire, même s'il est illettré. Hein, parce qu'il y a souvent dans les pays musulmans, quand il y a une personne qui est au pouvoir, alaykoum salam, rahmatullah, quand il y a des personnes qui sont au pouvoir parmi les dirigeants, puis qu'ils n'ont pas par exemple des grands diplômes universitaires, et qu'il y a d'autres musulmans qui ont étudié, par exemple, dans d'autres pays, qui ont des grands diplômes, des PhD ou des choses comme ça, et qu'ils reviennent et disent « Ah, mais comment lui peut être notre dirigeant, alors que nous on est plus éduqués, que lui on a plus de diplômes que lui, il ne mérite pas d'être au pouvoir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Même si celui qui est au pouvoir sur toi c'est un esclave, tu dois l'écouter et l'obéir dans le bien. Et tu ne dois pas l'enlever par la force ou prendre les armes contre lui pour le retirer de sa position. » Et ça, des fois, ça ne plaît pas aux gens d'entendre des choses comme ça. Je me rappelle une fois, j'ai discuté avec un frère sénégalais à Montréal. Mais bon, il ne connaissait pas les questions de manhaj et la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne les questions de l'obéissance aux dirigeants et des choses de ce genre. Et il parlait de président là-bas qui, je pense, c'est Wade son nom. Wade. Hein, bon. Alors, je lui dis, il commence à le critiquer, etc., des choses comme ça. J'ai dit, mon frère, tu ne dois pas critiquer le président. Il a des erreurs, c'est normal, mais dans notre manhaj, quand c'est un dirigeant qui est musulman, qui est au pouvoir, on n'a pas le droit de mentionner ses erreurs puis de le critiquer de cette façon-là. Hein, on doit le conseiller, si tu as un conseil à lui donner, hein, tu t'en vas le voir, tu lui donnes nasiha si tu es capable. Et si tu n'es pas capable d'aller directement le voir pour lui donner le nasiha, et que tu connais des gens qui sont proches de lui, qui sont capables d'aller le voir pour lui donner le nasiha, alors tu le fais par leur intermédiaire. Mais tu critiques pas la personne, tu mentionnes pas ses erreurs et ses fautes devant les gens, dans le but de, disons, attiser la fitna, puis de ramener l'opinion publique contre lui, pour, yani, disons, amener les gens à se révolter contre lui. Et le frère, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, toi là, je pense que tu travailles pour le gouvernement sénégalais. J'ai dit, subhanallah, j'ai aucun rapport avec lui, je travaille pas pour lui, j'ai rien à voir avec lui. Mais c'est juste pour dire que, comment les gens, des fois, ils ont cette tendance-là que, aussitôt que tu leur expliques le Coran, les positions du Coran et de la Sunna, tout de suite, ils veulent te dire que, ah, ça y est, tu es un agent, tu travailles pour Wade, ou tu travailles pour, je sais pas qui parmi les présidents musulmans. Mais, nous, on dit ça, pas pour faire plaisir aux dirigeants, pas parce qu'on, c'est-à-dire on cherche à se rapprocher d'eux pour avoir des faveurs de leur part, mais on dit ça uniquement parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a révélé ça, cette voie-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné de respecter ces choses-là. Donc c'est ça que le cheikh il explique, et il dit donc c'est obligatoire de l'obéir, et donc c'est pas regarder à son apparence, même s'il n'a pas une belle apparence, même s'il n'a pas toutes les qualifications, mais du moment qu'il est au pouvoir, ben ça reste aux musulmans de l'écouter et de l'obéir dans le bien, et de ne pas retirer la main qu'ils ont donnée en bay'a à ce dirigeant-là. Donc ça c'est à propos de ce point-là. Après le chef il continue, il dit « Waliyul amr la yashtaritu fihi an yakuna kamilan, yakunu indahu akhta, yakunu indahu shay'un min al-mukhalafat, walakin yuta' walau kana fasiqan, wa in kana indahu mukhalafat لا تصل إلى حد الكفر فإنها تجب طاعته مع المناصحة له أما الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا هو المنكر لماذا؟ لأنه يترتب على الخروج مفاسد عظيمة من سفك الدماء وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء فالصبر على ما عند ولاة الأمور من النقص أسهل مما يحصل بالخروج عليهم من المفاسد ومعلوم أن ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب في الإسلام أمرنا بالصبر على جور الولاة وأمرنا بطاعتهم ولو حصل عندهم شيء من المخالفات ولم يصل إلى حد الكفر إلا أن تروا كفرا بواحا. Donc le chef il dit que le dirigeant, celui qui est au pouvoir parmi les musulmans, ce n'est pas une condition pour qu'on l'obéisse et pour qu'on l'écoute, qu'il soit parfait. Parce que de toute façon, un dirigeant parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Il faut qu'il ait certaines fautes, certaines erreurs, c'est normal, parce que c'est un être humain. Kullu bani Adam khata, wa khayrul khata'in at-tawwabun. Donc, tous les fils d'Adam ont des fautes, ont des péchés, et le meilleur d'entre ceux qui ont des péchés, c'est ceux qui font repentance et qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit c'est sûr qu'ils vont avoir des choses qui sont en opposition avec l'islam, avec la charia, qu'ils vont faire des erreurs, qu'ils vont faire des fautes, mais le cheikh il dit on doit l'obéir, même si c'est une personne qui est pécheur, même si c'est une personne qui est désobéissante à Allah subhanahu wa ta'ala, même si il a des choses qui s'opposent à la charia, tant que ça n'arrive pas au, à la limite ou au niveau que il rentre dans le coffre. On est obligé de l'obéir et de lui donner le bon conseil. Mais de prendre les armes contre lui, le cheikh il dit, de prendre les armes contre lui en utilisant l'argument, ou en essayant d'utiliser l'argument qu'on veut ordonner le bien ou interdire le mal, il dit c'est ça le mal. C'est-à-dire de prendre les armes contre lui pour essayer de le renverser, sous prétexte qu'on essaie de changer le mal et de remplacer le mal par un bien, c'est ça le mal en lui-même. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit que les conséquences négatives qui vont venir comme qui vont venir à la suite de ça sont plus graves que celles qu'on veut enlever elles-mêmes, comme par exemple le fait que le sang des musulmans innocents parfois vont couler à cause de ça et que ça va causer la division de l'unité des musulmans et que ça va ouvrir la porte aux koufars pour qu'ils viennent et qu'ils prennent le dessus sur les musulmans par la suite. Et c'est ça ce qui s'est passé à travers l'histoire des musulmans. La seule, une des raisons qui a aidé, disons, la colonisation des pays musulmans, c'est à cause du fait que beaucoup de groupes parmi les groupes de bid'ah ont justement pris ont essayé de renverser les dirigeants musulmans, puis ils ont divisé la umma et ça a affaibli les musulmans, et c'est ça qui a fait en sorte que les koufars ont pu rentrer facilement dans la umma à cette époque-là. Parce que tout le monde était divisé et tout le monde avait amené des sortes de bid'ah yani parmi les groupes de dalal, et donc ils ont pris les armes contre les dirigeants et ça a créé ça a affaibli la situation, ça a déstabilisé la situation politique et ça a facilité l'entrée des koufars dans les pays musulmans. Donc le chef il montre en fait que ça c'est les conséquences de qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un essaie de prendre le pouvoir par la force pour soi-disant amener un meilleur dirigeant à la place de celui qui est déjà au pouvoir. Donc le cheikh il dit que d'être patient et d'endurant, et d'endurer les manquements et les faiblesses et les fautes qui sont présentes en ce dirigeant-là, il dit que ça c'est plus facile d'endurer ça que d'endurer les conséquences négatives qui vont venir lorsqu'on prend les armes contre celui qui est au pouvoir. Et le cheikh il dit que dans la charia et dans l'islam, il y a le principe que c'est toujours mieux de prendre s'il n'y a pas le choix par exemple, entre deux choses mauvaises, tu prends toujours celle qui est moins nuisible ou moins grave entre les deux. Donc tu sais que ce dirigeant-là, il n'est pas bon, ce serait bien d'avoir un meilleur, mais tu sais que si tu l'enlèves, ça va amener un mal plus grand, donc tu gardes celui qui est moins grave des deux mâles pour éviter un qui est plus grand. Ça fait partie des qawa'id et des principes dans la charia. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un nombre de hadiths, il nous a incité et commandé d'endurer l'injustice des dirigeants. Et il nous a expliqué qu'il y a une récompense pour le croyant lorsqu'il fait preuve de patience, lorsque le dirigeant est injuste. Et lorsqu'il est, qu'il fait de l'injustice envers son peuple. Et même s'ils font des péchés, ou qu'ils font des choses contraires à l'islam, ils doivent l'obéir dans le bien. C'est-à-dire, ils doivent l'obéir, c'est-à-dire, s'il leur donne de faire un péché, on n'obéit pas dans ce péché-là en particulier. Mais en dehors de ce péché-là, tout le reste, on doit l'obéir. Selon notre capacité, tant que ça n'arrive pas à qu'est-ce qu'on appelle al-kufr, tant que ça n'arrive pas au niveau du kufr. Comme le cheikh il dit, illa antaraw kufran dawahan. Sauf si vous voyez un kufr qui est clair. Fihi min Allah burhan. Et les ulama ils ont expliqué que même si c'est dans le cas où par exemple il y a un kufr de la part de celui qui est au pouvoir et que c'est un kufr qui est apparent et clair comme le soleil en plein jour, eh ben, on n'a pas le droit non plus de prendre les âmes contre ce dirigeant-là si on est dans une position de faiblesse et si on sait que de l'enlever du pouvoir va amener un mal plus grand que celui qu'on veut enlever, encore une fois. Donc les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont, même dans des cas pareils, dans des cas où le hakim est clairement kafir, ils ont évité d'inciter les musulmans à se révolter contre eux parce qu'ils ne sont pas capables de les renverser facilement. Et dans tous les pays musulmans actuellement où il y a eu des tentatives de ce genre pour essayer d'enlever les dirigeants qui sont en place ou les remplacer soi-disant par d'autres, eh bien, ça s'est toujours terminé par des massacres et des grands problèmes. Donc, le but en fait c'est de protéger la vie, la sécurité des gens et d'éviter le plus de fitna possible. الشيخ يقول ensuite وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية وفي رواية فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه خلع رقبة الإسلام من عنقه كان في الأول مربوطا مع جماعة المسلمين مثل البهائم التي تربط بالأربطة وتعقل لئلا تضيع أو تسرق فإذا خرج عن الجماعة انحل رباطه وتعرض للضياع وتعرض للسرقة أما ما دام مرتبطا بالرباط الإسلامي فإنه أضمن لبقائه وحفظه قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم جميعا على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه فيجب أن يكون يدا واحدة مع ولاة أمورنا ومع رجال الأمن ضد هذه الشرذمة الضالة حتى يسلم المجتمع المسلم من شرهم ويرتد كيدهم في نحورهم. Donc le cheikh il explique et il dit que celui qui sort de l'autorité des dirigeants et qui divise la jama'a et qui meurt dans cet état, il meurt dans un état semblable à celle de la jahiliya, semblable à celle de la période pré-islamique. Et il dit dans une autre narration de ce hadith, s'il meurt dans cet état, il a enlevé le collier de l'islam qui était dans son cou. Et le cheikh explique que le collier de l'islam qui était dans son cou, c'est-à-dire qu'au début il était accroché par, à la jama'a par ce collier. C'est comme un animal qui est attaché par un collier, eh ben, il est attaché donc ça l'empêche de se perdre et ça l'empêche de se faire voler. Mais lorsqu'il est détaché, eh ben, c'est très facile de se perdre pour lui ou de se faire voler. Et donc tant qu'il reste accroché à cet attachement islamique, de l'obéissance du dirigeant, etc., eh bien c'est plus sécuritaire pour lui et ça garantit qu'il sera, disons, préservé de l'égarement, etc. Donc ça c'est une menace en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dans ce hadith-là. Après, il mentionne un autre exemple, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque quelqu'un vous vient, lorsque vous êtes réunis autour d'un seul dirigeant, et que quelqu'un vient pour vous diviser, pour essayer de diviser votre groupe, eh bien, tuez-le. Ça, c'est dans le hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un dirigeant, quelqu'un ne peut pas, parmi les musulmans, venir pour s'opposer à son autorité ou à son gouvernement, puis dire, on veut pas ce dirigeant-là, on en veut un nouveau, on en veut un autre, ou bien moi, je veux l'enlever puis mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc celui qui vient pour diviser les musulmans, pour faire la fitna, bon, eh ben, il doit être combattu, celui-là. Donc le chef il dit que les musulmans doivent être comme une seule main contre ceux qui veulent diviser la Ummah avec leurs dirigeants. Ils doivent être avec leurs dirigeants et avec ceux qui sont là pour préserver la sécurité dans le pays, contre ce groupe de déviés et d'égarés comme les Khawarij par exemple, pour éviter que la société musulmane soit amenée à leur perte à cause de ces gens-là, et pour ramener les ruses des kuffars contre eux-mêmes et les ruses des gens de Bid'a et de Dalal contre leur coup à eux. Donc c'est pour dire que En fait, c'est ça, c'est une des, comme on avait expliqué déjà dans les autres fois, ou sont les deux autres cours précédents, à propos de cette risala, on avait expliqué que, souvent, les koufars, c'est eux qui sont derrière ces groupes-là, qui les motivent et qui les poussent et qui les agitent. Et parfois même, comme certains chiurs, ils ont expliqué, ils font infiltrer dans ces groupes-là certains de leurs agents qui rentrent parmi eux et qui créent encore plus d'agitation et qui les poussent encore plus à faire des choses de ce genre pour les amener à faire des actes de terrorisme ou autre. Et puis par la suite, les koufars utilisent ça par la suite comme des prétextes, comme des excuses pour attaquer les musulmans et les frapper encore plus. Et on voit par exemple les conséquences de ce qui s'est passé après les attentats dans plusieurs pays musulmans, c'est que dans certains pays musulmans maintenant, les gens ont de plus en plus peur, ceux qui pratiquaient déjà la sunna ou qui pratiquaient déjà l'islam, dans certains pays maintenant c'est rendu qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur de se faire associer à des tendances ou des choses de ce genre. Et il y en a parmi, dans certains pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une propagande actuellement contre les contre la da'wa salafia et contre les salafis, et ils essaient de dire que ceux qui sont responsables de ces trucs de terrorisme-là, c'est les salafis, c'est les salafis et la da'wa salafia, d'accord? Alors que les salafis sont innocents de toutes ces choses-là, et tous les, comme j'ai expliqué, même les ulama, ils ont, tous les ulama qui ont réfuté cette, ces choses-là sont des ulama salafis, et les gens qui défendent ces choses-là, c'est les mubtadi'a et les khawarij. Maintenant, quand on voit aussi, par exemple, ils essaient de faire une distinction entre qu'est-ce qu'ils appellent la, ils essaient de distinguer entre les salafis, et ils disent, il y a la salafia jihadiya, et il y a la salafia sheikhiya, ou ceux qui suivent les shuyukh, et ceux qui suivent les, disons, une autre tendance qui est salafia jihadiya. D'accord? Mais, si vous regardez, par exemple, vous retournez à la voie des salafs, vous voyez que les salafs, ils étaient tous unis. Il n'y avait pas différentes formes de compréhension ou de façon de suivre le Coran et la Sunna entre eux, ils étaient une seule jama'a. Il n'y avait pas différentes sectes entre les salafs, ils étaient tous une seule jama'a et une seule aqida et un seul manhaj. Hein? Et quand ils faisaient, quand les salafs décidaient de faire le djihad, ils faisaient le djihad, mais avec leurs dirigeants. Et ils respectaient, ils obéissaient à l'ordre des dirigeants, qu'ils soient obéissants ou qu'ils soient pervers. Et ça, c'est ça le manhaj des salafs. Donc, comme vous voyez, à l'époque de l'imam Ahmad, il n'y avait pas des salafis, soit djihadis ou soit qui écoutent les chouyours. Ceux qui sont djihadis, c'est qui leur chouyour? Ils n'ont pas de chouyour? C'est justement, ça prouve que ce ne sont pas des salafis. S'ils n'ont pas de chouyour, ça veut dire qu'ils ne sont pas des salafis parce qu'ils ne suivent pas les ulama. Et ceux qui ne suivent pas les ulama ne peuvent pas prétendre être salafis. Sinon, tu leur demandes, c'est qui vos ulama? Où ils sont? Et la plupart du temps, ils restent bouche bée. Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer leur nom, parce que premièrement, ils n'en ont pas d'ulama. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Alhamdulillah. Donc, les salafis, on est innocents de ces gens-là qui veulent faire la fitna, qui font la fitna dans le monde musulman actuellement. Et, c'est la responsabilité des musulmans de les dénoncer s'ils sont capables. Et de faire ramener cette da'wa salafia au-dessus pour qu'elle ait le premier rang dans qu'est-ce qui se passe maintenant pour enseigner aux musulmans leur religion et leur faire comprendre la réalité de l'islam. D'accord? Parce que les autres groupes de bid'a, eux, c'est pas ça leur intérêt et leur intention. Qu'est-ce qu'ils cherchent à eux, la plupart des groupes actuellement qui sont présents en France et qui sont responsables parfois même des mosquées et des centres islamiques? C'est pas de faire connaître aux musulmans et aux non-musulmans la réalité de l'islam, mais c'est plutôt de profiter des privilèges et des positions et des choses de la dunya. Et ils cachent même parfois la réalité de l'islam pour des intérêts dans la dunya. Donc ça, c'est la différence, et c'est pour ça que c'est important pour les musulmans qui sont sur la voie des salafs de se distinguer de ces gens-là et de faire comprendre aux autres la réalité de qu'est-ce que ça signifie de suivre le Coran et la Sunna dans sa réalité, dans sa pureté. D'accord? Donc, le cheikh dit, les musulmans, ils doivent être une seule main contre ce petit groupe d'égarés-là. Et le cheikh il dit وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَدِي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَيَجِبُ أَنْ نَتَعَاوَنُ وَنَتَنَاصَحْ وَأَنْ نَبْرَأَ الشَّرَّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ الْأَمْنُ لِمَنْ هُوَ الْأَمْنُ لِي وَلَكْ وَلِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَنْتَ نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِكَ وولاة الأمور رجال الأمن يدافعون ويسهرون الليل وأنت نائم على فراشك إذن الأمن ليس لولاة الأمور ففكر في هذا فإن الاعتداء على ولاة الأمور على رجال الأمن اعتداء عليك وعلى محارمك وعلى بيتك فعلينا أن نفكر في هذه الأمور. Le cheikh il explique en fait maintenant la risale qu'il a écrite c'est en particulier pour les pays musulmans et qu'est-ce qui se produit dans les pays musulmans. Et nous, on est ici en France, on est en train de lire cette risala, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné quand même. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est chez nous que ça se passe. Ces pays-là, c'est nos pays. Ici, on est étrangers chez les koufars. D'accord, même si ils nous appellent soi-disant à être intégrés, puis à être français, ou soi-disant des choses de ce genre, et même si on est né ici. Mais on reste, ça reste qu'avant d'être français, on est musulman. Hein? Donc c'est ça l'important de comprendre. Et eux, ils aiment qu'il y a des problèmes dans nos pays musulmans. Et ils aiment qu'il y a des conflits politiques dans nos pays et qu'il n'y ait pas de stabilité et qu'il n'y ait pas de, disons, d'organisation. Ça fait leur affaire. Parce que après, les musulmans qui viennent ici, ils arrivent à les faire fondre par la suite et à les faire éloigner de plus en plus de la réalité de leur religion. Et quand je vois, quand je marche dans la rue ici par exemple en France, et que je vois des musulmans et des musulmanes, la plupart sont ignorants de leur religion et sont très éloignés de la réalité de la pratique de l'islam. Et donc je me dis, subhanallah, où est-ce qu'on s'en va dans cette situation-là? Et donc le chef il dit, qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans? Et c'est donc pour qu'on ait un sentiment en même temps, nous, même si on est ici, d'appartenir à ces pays-là et d'avoir un intérêt pour qu'est-ce qui se produit là-bas et de vouloir changer qu'est-ce qui se passe là-bas dans, pour aller dans le bon sens. Mais en suivant l'exemple et la voie des salafs, hein, et en suivant l'exemple de la sunna, hein, et puis en essayant, inch'Allah, de travailler dans l'avenir pour essayer d'améliorer notre situation dans nos pays, c'est-à-dire dans les pays musulmans. Même si moi, par exemple, je ne suis pas d'origine de ces pays-là, mais étant donné que je suis musulman, hein, ben je sais que je reviens à ces pays-là moi aussi, puisque c'est par la foi que je suis relié à ces pays-là et à ces terres-là. Ce n'est pas par la naissance ou parce que c'est mes origines culturelles, mais parce que je suis croyant, parce que je suis musulman, et ça c'est des terres qui ont été établies et conquises au nom de la ilaha illallah. Et donc ça m'appartient autant que ça vous appartient, d'accord. Donc alhamdoulilah, et c'est pour ça qu'on doit se sentir unis dans ça. Le chef il nous appelle à coopérer entre nous dans le bien et dans la piété, dans la crainte d'Allah, et de ne pas nous entraider entre nous dans le péché et dans la transgression. Et il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si on appliquait juste ce verset là, c'est certain que beaucoup de nos problèmes seraient réglés dans la Ummah. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que on fait le contraire. On s'aide souvent, les musulmans, ils s'entraident souvent dans l'ismi wa l'udwan. Donc c'est ça qui est triste. Et le cheikh il dit donc qu'il faut se donner la nasiha entre nous. Il faut se donner le nasiha. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ça vaut pas la peine de donner le nasiha, les gens acceptent pas. Les gens écoutent pas. Ou ça fait la fitna. Non, mais si ça fait la fitna, c'est parce qu'on donne pas la nasiha comme il faut. Souvent c'est comme ça. Hein? Il y en a des gens, ils donnent juste la nasiha quand ils sont fâchés. Quand ils sont arrivés au bout de leur patience, puis là ils explosent. Et ils commencent à crier. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas comme ça, la nasiha. La nasiha, premièrement, tu la donnes pas quand t'es fâché. Tu la donnes quand t'es calme. Tu la donnes quand t'es reposé. Et puis tu vas voir ton frère, puis tu lui donnes la nasiha pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il accepte, c'est tant mieux pour lui, et c'est tant mieux pour nous. Mais s'il refuse et s'il ne suit pas ta nasiha, eh ben c'est Allah qui va le juger au jugement dernier. Et toi, tu as établi ton, tu as fait ton devoir envers lui. Ça, c'est important de comprendre. Et le chef, il dit que la sécurité dans les pays musulmans, c'est pas juste pour, c'est pas pour le dirigeant la sécurité, mais ça revient pour tous les habitants du pays. Parce que le chef, il dit, les gens qui, toi, il dit pendant que tu dors, tu es dans ton lit chez toi, dans ta maison, et ta famille dort, tes enfants dorment, et toi tu dors chez toi, dans les pays musulmans, hein. S'il y a de la sécurité, c'est pour ton bien à toi. Toi, tu, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, soi-disant, qui travaillent parmi les musulmans qui sont responsables de la sécurité, soit la police ou autre, qui travaillent pour essayer de garder la sécurité dans le pays, hein. Alors que toi, t'es endormi, hein. Donc, il dit tout ça, c'est pourquoi? Il dit c'est pour toi. Donc, ceux qui font des attentats contre les dirigeants, eh ben, ça retombe contre toute la population. Toi, il y a des gens, parfois, ils marchent sur la rue, ils s'en vont marcher, ils s'en vont acheter quelque chose, ils s'en vont travailler, ils s'en vont n'importe quoi, ils font leurs activités normales, et tout d'un coup, une bombe explose, puis ils meurent. Subhanallah. Et ils s'attendaient même pas à des choses pareilles, donc c'est pour dire que ça, ces gens qui font ça, ils essaient d'attaquer, soi-disant, le gouvernement ou le pouvoir, et puis en même temps, ils tuent plein d'innocents qui n'ont rien à voir avec ces affaires-là. Donc, c'est pour dire que, quand ces gens-là attaquent le gouvernement, en même temps, ils attaquent la population, puis ils transgressent contre toi, contre ta maison, contre tes proches. Et donc, c'est pour ça qu'il faut penser à ça, et réfléchir sur la signification de la sécurité dans les pays musulmans. Il dit, كيف نعالج هذه الفئة الضالة؟ كيفية علاج الفئة الضالة؟ العلاج لهذه الفئة أن يتحاور معهم برد شبهاتهم، وربما يكون عند بعضهم اشتباه يظن أنه على حق، فيبين له ويناصح إذا أمكن ذلك لعلهم يرجعون. Cheikh il dit, pour guérir ou pour résoudre ce problème chez ce groupe, parmi les groupes qui ont dévié parmi les Khawarij, souvent c'est qu'ils ont des choubouhats, hein. Ils ont reçu des choubouhats au sujet de la religion, au sujet de la politique, hein, parce qu'on parle de ces problèmes-là, puis la plupart d'entre nous, on a grandi ici, il y en a qui n'ont pas grandi ici, mais qui ont quand même été, ils ont été inculqués de certaines idéologies, certaines tendances politiques qui sont en fait inspirées du système du Kuffar. Et ils en sont venus même à y croire à ce système-là et à être convaincus de ce système. Et certains pensent même que ça fait partie de l'islam, comme la démocratie et d'autres systèmes comme ça. Et donc, qu'est-ce qui arrive avec ces musulmans-là? C'est qu'ils ont plein de choubouhades par la suite. Et quand ils mélangent ça avec des fausses interprétations de certains versets ou de certains hadiths, eh bien, ça les pousse parfois à tomber dans l'extrémisme, dans le takfir, ou dans l'appel à la révolte contre les dirigeants. Sans oublier les groupes et les tendances qui sont propagées actuellement dans, parmi les fractions, il y en a parmi les groupes de bid'ah, parmi les musulmans. Et donc, il y a beaucoup de choses parfois chez certains qui ne sont pas claires, et il y en a qui veulent trouver la vérité, et qui cherchent sincèrement à trouver la sunna et à suivre la vérité. Toutefois, sont confus, ils ont de la confusion, ils n'ont pas réussi à, trouver la vérité. Et donc, le chef, il dit qu'avec des gens comme ça, il faut argumenter, il faut, essayer de les convaincre pour les ramener, pour leur montrer les preuves et les explications correctes. Et, leur donner le nasiha pour qu'ils reviennent. Et bien entendu, la personne qui va discuter avec ce genre de personne-là, c'est pas n'importe qui, mais bien entendu, c'est la personne qui a atteint le niveau d'elle et qui est capable d'éliminer les choubouhats de ces gens-là. Parce que si tu n'as pas le niveau qu'il faut, et tu essaies de rentrer dans une argumentation avec ces gens-là, mais tu risques toi-même de t'égarer parce que c'est des gens qui ont beaucoup de moyens pour te faire tomber dans les ambiguïtés, et puis de te faire perdre le droit chemin parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes, des fois la connaissance, et donc il faut avoir un bon niveau pour être capable d'argumenter avec eux. Et sinon le cheikh il dit, Amir al-Mu'minin Ali lam yuqatil radiyallahu anhu lam yuqatil al-Khawarij fi al-Nahrawan hatta arsala ilayhim ibn ammihi Hibr al-Umma Abdullah ibn Abbas فنظر الخوارج وجادلهم ورد شبهاتهم ورجع منهم عدد كثير إلى الصواب. C'est l'exemple que le cheikh il dit que Ali ibn Abi Talib il a combattu les Khawarij, et avant de les combattre il a envoyé Abdullah ibn Abbas pour aller discuter avec eux et débattre avec eux pour les amener au droit chemin. Et 2000 parmi eux sont revenus avec Abdullah ibn Abbas après qu'il ait argumenté avec eux. Donc c'est pour montrer que lorsque tu leur envoies par exemple quelqu'un qui a du ilm, et parce que souvent c'est juste des choubats, comme je dis, ils ont juste des points qui sont pas clairs dans leur tête à propos de certaines questions de l'islam, certaines questions du manhaj. Et donc ils veulent connaître mais ils sont confus, alors comme l'exemple d'Abdullah ibn Abbas qui est allé leur parler et qui sont revenus avec lui, eh bien c'est toujours possible encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup de frères qui étaient avec les takfiriens, qui étaient avec les djihadiens, puis qui ont fait tawba, et qui sont revenus au droit chemin lorsqu'ils ont entendu les explications des ulama et qu'on leur a clarifié la vérité et la réalité du manhaj, et qu'ils ont entendu les réponses des ulama d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a au sujet de qu'est-ce qu'ils font, et ils ont réalisé leur erreur et ils sont revenus au droit chemin. Donc c'est toujours possible de les ramener inchallah avec la permission d'Allah. فيجب التفاوض مع هؤلاء الذين فيهم بقية من إرادة الحق. أما الذين استعصى عليهم الأمر وعميت بصائرهم فلا حيلة فيهم، فلا بد من بترهم، لكن من يريد الحق فإنه يبين له. الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لشيخ الزيك يعني tu dois donc essayer de parler avec eux pour essayer de les ramener si tu vois qu'ils ont encore une intention de vouloir suivre la vérité. Mais celui qui, yani, disons qu'il est vraiment profondément accroché à sa bid'a, puis qu'il ne veut rien entendre, qu'il est borné, qu'il est têtu, il ne veut rien entendre, et c'est-à-dire il s'est aveuglé, il ne veut rien voir, il ne veut rien entendre, alors il n'y a pas de solution avec ceux-là, il faut les laisser, yani, les abandonner. Tandis que celui qui veut la vérité, il faut essayer de lui clarifier. Et alhamdoulilah, yani, depuis que cette fitna a commencé, il y a eu de plus en plus de livres qui ont été écrits par les ulama et par les tulab al-ilm qui traitent de ces sujets, au sujet desquels ces gens-là ont des shubuhat et qui réfutent leurs problèmes et leurs arguments et qui clarifient la réalité à ce sujet-là. Et donc, la vérité est de plus en plus facile à trouver pour celui qui la recherche. Là, bien entendu, il y a toujours des points de repère, il y a toujours des bases que celui qui s'y accroche, yani, peu importe quelle fitna peut approcher, il va toujours rester ferme, inshallah. Et c'est bien entendu de s'accrocher au Coran et à la Sunna et à l'exemple des salaf salih dans les livres d'Aqidah qu'ils ont écrits. Et celui qui s'accroche à ça, c'est certain que بإذن الله سيحفظه من الإقامة. الشيخ المنسيان الرسول في القرآن الذي يقول إذا دو جروب parmi les croyants se combattent alors essayez de faire disons de réconcilier les deux. Mais si vous voyez par la suite qu'un groupe des deux essaie de transgresser contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne au commandement d'Allah. Donc ça c'est le verset 9 dans sourate al-Hujurat. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Donc essayez de réconcilier entre ces deux-là en toute justice et en toute justice, et Allah subhanahu wa ta'ala il aime certes ceux qui sont justes. Et le shaykh dit فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبغي فتكون مع ولاة أمورنا في قتال هؤلاء ودفع شر هؤلاء إذا لم يستجيبوا للصلح ولم يستجيبوا للحق وهذا جهاد في سبيل الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت أي ف رجعت يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Le Cheikh l'explique, il dit que si un des deux groupes transgresse contre l'autre, combattez celui qui transgresse. Ça, ça veut dire quoi? Le Cheikh explique que ça veut dire que vous devez combattre avec les dirigeants contre ces groupes-là, contre ces groupes qui essaient de d'enlever ceux qui sont au pouvoir, hein, puis de faire la fitna, pour repousser le mal qu'ils créent dans la société. Et s'ils refusent de répondre à l'entente et à la réconciliation, et qu'ils ne veulent pas entendre la vérité, alors il faut les combattre, et le chef il dit que ça, ça fait partie du djihad, si ça veut dire là, de combattre les khawarij. Et il dit, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ combattez jusqu'à ce que celui qui transgresse revienne au commandement d'Allah, et s'il revient, alors essayez de réconcilier les deux en toute justice, et Allah aime certes ceux qui sont les justes, et les frères, les croyants ne sont que des frères, alors essayez de vous réconcilier entre vous, parce que vous êtes des frères, et craignez Allah pour que vous ayez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'ordre d'Allah et le commandement d'Allah. Ça c'est encore verset 9 et 10 dans Al-Hujurat. علينا أن نحفظ أولادنا ونأخذ عبرة مما حصل كفى الإهمال كفى التسييب علينا أن نأخذ بأولادنا من الضياع ونربيهم على الخير على الاجتماع وعلى التعلم على تعلم العلم النافع لا نتركهم يذهبون إلى هذه التجمعات المشبوهة والخلوات الضالة والأفكار المنحرفة علينا أن نحتفظ بأولادنا وأن نتعاون على حفظهم وأن لا ندعهم فريسة لهذه الأفكار ولهؤلاء المضللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ويخشى على أمته من منافق عليم النفاق يجادل في القرآن وعليم اللسان يجادل بالقرآن. الشيخ يكسبليك يفو بريزيرفي نوز انفان. Ça c'est très important, mais nous aussi on est tous des jeunes en grande partie, donc ça veut dire qu'on est tous concernés dans ça. Puis le chef il a raison en fait de dire ça, parce que souvent c'est les jeunes qui tombent dans ces choubouhats, hein, et souvent c'est dû à l'ignorance. Et la raison souvent de cette ignorance là, c'est parce que souvent les parents musulmans n'ont pas enseigné à leurs enfants les fondements et les principes de la aqida. Ils leur ont expliqué peut-être comment faire la salat, comment faire le wudu, hein, et disons les principes de base de l'islam, disons en général, mais ils n'ont pas expliqué les détails de cette aqida parce qu'ils ne les connaissent pas peut-être eux-mêmes. Donc celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas le donner à quelqu'un, et ça c'est quelque chose de bien connu. Donc c'est pour ça que les jeunes qui sont grandis, en particulier ici en Europe, eh ben c'est souvent chez des jeunes qui sont grandis ici, qu'on retrouve beaucoup de gens qui ont ces tendances, qui ont ces idées-là. Hein. Et aussi dans les pays musulmans, dans certaines sociétés où les jeunes traînent dans la rue, ils n'ont pas été éduqués islamiquement, et puis yani, ils entendent des choses à gauche et à droite, ils prennent leur connaissance de l'islam du bouche à oreille, pas de qu'est-ce qui vient des ulama, et donc ils sortent avec toutes sortes d'idées. Hein. Il y en a qui ont été éduqués avec les khutab de Cherkish, hein, puis ils ont plein de Hamas, yani, plein d'émotions, c'est ça leur compréhension de l'islam. À une certaine époque, il n'y avait rien d'autre que ça qui était entendu dans les mosquées ou dans les maisons. Et donc, ils ont une connaissance, ils ont un amour pour l'islam, un attachement à l'islam, une émotion pour l'islam, mais c'est pas basé sur du ilm, c'est pas basé sur du fiqh, c'est pas basé sur, yani, un manhaj, c'est juste des émotions comme ça, à gauche et à droite, et donc, ça pousse à des réactions parfois qui sont déplacées et des exagérations et des formes d'extrémisme. C'est ça ce qui est arrivé souvent dans les pays musulmans. Donc maintenant, alhamdoulilah, on voit que de plus en plus le ilm commence à être diffusé dans la Ummah, et la compréhension correcte de l'islam commence à être répandue dans la société, alhamdoulilah, et de plus en plus de jeune maintenant commence à comprendre la réalité de cette da'wa et qu'est-ce qu'elle signifie et commence à l'adopter, à l'accepter. Et alhamdoulillah, il y a des durous qui sont donnés maintenant de plus en plus. Donc malgré que, alhamdoulillah, il y a beaucoup des efforts qui sont faits pour essayer d'arrêter cette da'wa et de stopper hein, la propagation de la science de l'islam, mais malgré tous ces efforts, elle continue à avancer, alhamdoulillah, puis elle va continuer hein, par la grâce d'Allah. Et donc c'est ça ce que le cheikh il dit, il faut qu'on commence à se préoccuper de l'éducation des enfants, de ne pas les laisser s'égarer et se perdre, hein, de leur donner la bonne éducation islamique, de les éduquer d'une bonne façon pour qu'ils soient réunis hein, et pour qu'ils s'éloignent de tous ces groupes de déviation parmi les groupes de bid'a. Et ça, ça implique également que les musulmans doivent surveiller avec qui leurs enfants vont traîner dans la rue, ils ne vont pas les laisser marcher avec n'importe quel groupe ou avec n'importe quelle personne. Bon, c'est pas toujours facile pour les parents, mais maintenant nous on est, Inch'Allah, des jeunes et on est des parents même, peut-être certains d'entre nous ont des petits-enfants ou des jeunes enfants, et donc c'est à nous maintenant de faire en sorte que on reproduit pas l'erreur de nos parents, si certains d'entre nos parents ont fait des erreurs à ce, sur ce plan-là, d'éviter de tomber dans le cercle vicieux, année de l'ignorance. Surtout si on a des enfants ici, puis qu'on va les envoyer à l'école des koufars, eh ben, ça va revenir encore à zéro, à chaque fois. Donc, essayer de trouver une solution de s'en sortir, puis de protéger nos enfants de l'ignorance. Et le cheikh, il dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné, il mentionne un hadith, il dit que qu'est-ce qu'il craint le plus pour sa umma, c'est les gens qui les égarent parmi les gens qui sont des gens qui sont à la tête et qui sont des égareurs, qui égarent les autres. Et il craint également un munafiq qui sait comment parler et qui dispute avec le Coran, il jette des choubouhats. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces gens-là. Et il nous mentionne pour le dernier chapitre, il parle des choubouhats de ces gens-là. Les khawarij, ils ont souvent des choubouhats au sujet de certaines questions, comme au sujet de la foi et au sujet des dirigeants. Et puis le chef il explique c'est quoi ces choubouhats. إذ هؤلاء لهم حجج يظنونها الجاهل أو يظنها الجاهل أنها حق وهي سراب إذا قابلت النور فهي سراب يضمحل وهي دخان يتفرق فإذا قوبلت بالحق ضاعت وذهبت لأنها شبهات وليست أدلة ولا حججا وإنما هي شبهات. يعني الشيخ الذكر سيجعل يبص hein, qu'ils ont des preuves avec eux, des arguments. Hein. Et souvent, il y a quelqu'un qui entend leurs arguments parmi les ignorants, ils vont croire que ce sont des choses qui sont vraies, qu'est-ce qu'ils possèdent. Alors qu'en réalité, ce sont comme des mirages. Lorsque la lumière arrive, elles disparaissent. C'est comme le mirage. Quand tu approches, quand tu es là, tu penses qu'il y a de l'eau, mais quand tu arrives, il n'y a rien. Et bien, c'est la même chose pour qu'est-ce qu'ils ont comme argument. Et yani, ces gens-là, s'ils étaient retournés en ulama pour aller leur demander la clarification des points qu'ils n'ont pas compris, ils auraient trouvé une explication claire et la réponse à leurs points et aux choses qu'ils n'ont pas compris. Malheureusement, souvent, beaucoup d'entre eux, ben, une des ruses, parfois même parmi les ruses de ces gens-là, qu'ils ont pour essayer de tromper les gens et de les égarer plus, c'est de les couper d'avec les ulama et d'essayer de détruire la confiance qu'ils ont en les ulama. Et une fois qu'ils ont réussi à couper et à détruire cette confiance qu'ils ont en les savants de l'islam, ben ça devient facile pour eux de les prendre et de les éloigner le plus loin possible de l'islam ou de la sunna et de la compréhension correcte de la religion. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est de se placer, eux, à la place des ulama. Donc, quand ils parlent, ils essaient de discréditer les savants et de parler contre les savants pour que, par la suite, quand eux, ils parlent, ces gens-là disent, bon, c'est eux nos ulama, ce sont eux nos savants. D'accord? Et donc ça c'est une de leurs méthodes. Donc le cheikh il dit que ce ne sont pas des preuves qu'ils ont, mais des shubuhat. Qu'est-ce que c'est une shubha? C'est quelque chose qui paraît vrai, quand on le regarde comme ça de l'extérieur, on dirait que c'est vrai, mais en réalité, quand on l'analyse plus en profondeur, on voit que c'est un mensonge, que c'est faux. C'est comme disons, un mensonge ou une fausseté qu'on essaie de, une fausseté à laquelle on essaie de donner une apparence de vérité. C'est ça une shubha. Ça ressemble à la vérité, mais c'est pas la vérité. D'accord? Donc le cheikh il dit que ash-shubuhat تعالج وعليكم السلام ورحمة الله الشبهات تعالج بالأدلة على يد علماء المسلمين على يد العقلاء علينا أن نحفظ أولادنا من هذا التفسير وهذا الضياع والانخداع لأنهم خدعوا خدعوا شباب المسلمين في الفترات الماضية تحت مظلة العمل للإسلام وتحت مظلة الجهاد وتحت مظلة العودة إلى الصحوة الإسلامية خدعوا الشباب بهذه المسميات. Le cheikh il dit que la façon de traiter les shubuhat qui sont répandues parmi les musulmans, c'est en revenant aux preuves. C'est les preuves qui vont clarifier ça, et c'est en retournant aux ulama des musulmans. C'est eux qui vont réfuter ces shubuhat là. Hein? Et c'est pour les gens parmi les musulmans qui sont raisonnables, qui ont une tête de bien, qui comprennent bien les choses, de protéger leurs enfants de l'égarement et de se faire tromper. Hein. Parce que beaucoup des groupes d'égarement et des groupes de bid'a parmi les musulmans, ils essaient de tromper les musulmans en leur faisant croire qu'ils font un travail islamique et qu'ils travaillent pour la cause de l'islam et qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien et qu'ils travaillent pour le djihad. Donc, alors qu'en réalité, tout ça c'est des noms qu'ils utilisent pour essayer d'attirer les gens, les musulmans, alors qu'en réalité ils les éloignent réellement de la sunna et du droit chemin. Donc il dit « فَعَلِنَا أَن نَتَنَبَّهْ لِأَوْلَادِنَا وَأَن نَأْخُذْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَن نَحْذَرْ مِنْ هَذِهِ الْفِئَاتِ الضَّالَّةِ وَمِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ شياطين الإنس والجن علينا أن نحتفظ بهم علينا أن نحذر من هذه من هذا الفكر الذي يتخلل بين المسلمين وينتقص الجهال والأغرار والشباب علينا أن نسد الطريق عليه ونتنبه له والله جل وعلا يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويقول جل وعلا بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فلا يتقابل حق وباطل إلا وينهزم الباطل ولكن شأن في هذا الذي يقوم بالحق من هو الذي يقوم بالحق هم علماء الأمة وعقلاؤها الذين يجادلون بالحكمة ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا سبيل النجاة بإذن الله. Cheikh il dit que il faut qu'on prenne garde hein, de préserver nos enfants de ces idées-là qui sont propagées, hein, surtout maintenant sur Internet aussi, parce que la plupart de ces groupes-là, ils ont tous des sites Internet et c'est par l'Internet qu'ils propagent le plus de leurs idées. Donc il faut vérifier, limiter la propagation de ces sites-là. Et d'avertir les musulmans contre ces sites-là, et également de les ramener au site des ulama et au site des gens qui propagent la vraie science, la vraie compréhension et la vraie connaissance du Coran et de la Sunna, et de faire propager les réfutations des ulama au sujet de ces gens-là. Qul jaa al-haq, la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité est venue et le faux est parti. Certes, le faux c'est qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui s'en va, qu'est-ce qui est détruit. Et c'est ça ce qui arrive. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il lance la vérité sur le faux, et voilà que le faux s'en va. Donc ça c'est les versets dans le Coran qui montrent que le mensonge et la fausseté ne peuvent pas rester en face de la vérité. Hein? Et donc, alhamdulillah, qui est-ce qui est capable de prendre une position? C'est qui possède cette vérité-là? Et c'est qui est capable de tenir tête à ces mensonges-là et à la, de s'y opposer ou de s'opposer aux mensonges, ce sont les ulama de la Ummah. Ok, donc c'est-à-dire que ceux qui sont parmi les ulama de la Ummah qui ont le ilm, eux ils sont capables de débattre avec ces gens-là et d'argumenter avec la sagesse et d'appeler au livre d'Allah avec la sagesse et la bonne exhortation et de la meilleure façon, et donc c'est la seule façon qui peut nous amener à être sauvés de l'égard de ce genre-là. Voilà, ça va voir, hein, yahdi yadal al-muslimin wa an yaruddahum ila sawab وأن يصلح شباب المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفر والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم كف عنا بأس الذين كفروا فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم كف عنا طغيانهم وبغيهم وعدوانهم واجعل ذلك في نحورهم إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح ولاة أمورنا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il termine par un doua pour la Ummah, pour les musulmans, de guider les musulmans qui sont égarés et de les ramener au droit chemin et de corriger ou de réformer les jeunes parmi les musulmans et de leur montrer la vérité comme étant vraie et de leur donner la capacité de la suivre et de leur montrer la fausseté comme telle et de les amener à s'écarter de cette fausseté-là et yani. Donc c'est un doua aussi contre les koufars et les musulmans de l'islam en général. Et par la suite, il termine en disant qu'il demande à Allah de corriger ou de réformer l'état de nos dirigeants parmi les musulmans, et il envoie le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ceux qui l'ont suivi parmi ses compagnons et ceux qui ont cru en lui. Et donc ça, c'est la fin de cette petite risale. Et en fait, à la base, cette risale, comme je disais, c'était basé sur une conférence que le cheikh Saleh al-Fawzan a donnée, et puis à la fin, il y avait plein de questions et réponses, et c'est en arabe. Donc, si, Inch'Allah, je vais mettre le lien de cette conférence en arabe sur Internet, Inch'Allah, je vais l'envoyer à des frères, et puis ceux qui sont capables, ceux qui veulent l'écouter, ils pourront l'écouter directement des paroles du Cheikh Saleh al-Fawzan, et aussi les questions et réponses qui sont à la fin sont très intéressantes, et très importantes, parce qu'elles répondent beaucoup de points puis beaucoup de choubouhat que certains ont à propos de ces sujets-là. D'accord? Donc, c'est un sujet d'actualité parce que de plus en plus on entend parler de ça, puis c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des khawarij à travers l'histoire islamique, il y en aura encore jusqu'à la fin des temps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà annoncé ça. Et donc, c'est important d'être au courant de leur manhaj et de leur déviation pour être capable de se protéger contre ces choubouhat et d'éviter les extrêmes que ces gens-là transmettent ou propagent dans la société, ici en particulier, puis aussi dans les pays musulmans également. Hein. Et puis, on voit de plus en plus, même dernièrement, il y a eu des attentats encore dans les pays musulmans, et donc c'est pour dire que ces gens-là, ils travaillent toujours encore, et pour différentes raisons, avec d'autres différentes intentions, mais c'est juste toujours pour mettre en garde la Ummah contre le danger de ces gens-là. Donc, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.